خاف عليك بلادي والله ماني هني je pense à toi toutes les nuits mon pays ma famille l'Algérie ma patrie pour qui je donnerai ma vie on écrira l'histoire comme nos héros nos martyrs خاف عليك بلادي اه من عدياني نسمع فيك جامي هكا بويا وصاني بلادي عزيز عليا نديلها في عينيا انا ولدك انتيا يا مانيشي براني على بلادي قبنوني ضروني عيناني سوفليت مليت مقواني خلوني je baisserai jamais les bras je garderai toujours la foi en moi comment te dire tout simplement je t'aime Algérie mi amor on t'aime à la vie à la mort le peuple te portera encore Algérie mi amor Algérie mi amor on t'aime à la vie à la mort le peuple te portera encore Algérie mi amor نغير عليك بلادي احكي لي واش راه صاري Tu as toujours été forte, tu n'as jamais failli. Ils t'ont jamais compris, mais tu as toujours souri. Algérie pour la vie, Ali Kedmed Hayati. Atta Sabri Ramdinir, Dima Yik Moufir, Sandi Damazir, Telwit Kani Mevrir, Zahir Filla Mervir, Mkemi Urofir, Nda Thali Dalir, Kemi Kanta Murthir. Ala Bladi, Rabnouni, Darouni, Ainani, Soufri, Tmeli, Mgwani. خلوني je baisserai jamais les bras je garderai toujours la foi en moi comment te dire tout simplement je t'aime Algérie mi amor on t'aime à la vie à la mort le peuple te portera encore Algérie mi amor Algérie mi amor on t'aime à la vie à la mort le peuple te portera encore Algérie mi amor